Salam duwe fe. Yo fwa mte koucha pa mi tan de sa breve. Yo jen bebe tem genye ke ou mal chwa file. Le bebe wem tel sote. Tan de sa krive. Le bebe wem tel sote. Tant de sa privé, il propose vexé, lui dit chouchou, c'est pas vrai. Moi-même, moi propose fâché, m'sorti pour m'frapper. Bébé bien entravé, à ton roi plaqué. Bébé bien entravé, à ton roi plaqué. A toi, t'es bien amélioré pour le tirer. Moi-même, moi tellement sauté, volé, mal tombé. Mais c'est ça quoi te sauver. Moi vite réveillé, monsieur sans quoi te sauver. Moi vite réveillé, monsieur sans quoi te sauver. Moi vite réveillé, monsieur sans quoi te sauver. Moi vite réveillé. Salier. Nous aimons la ma prêcher. Bah. Puisque nous voulons le consacre, ma chercher moi pour me dire des petits mots. Faut me dire nos bagailles quand même. Bagaille doit être une petite pour me dire nos bagailles. Faut me dire nos petits bagailles quand même. Adieu. Timon. Timon. Des bagailles pour respecter, oui. Timon, non, ouais. Si tout y gasso, ha! C'est tout y gasso que le DJ. Tendez, oui, ha! Yo joue pas la promène avec lui. Mais non, vire gade, à gauche à droite. J'ai psy gade, j'ai psy gade. Ça, à gauche à droite, la vie, la gade, la pchache, ou pas comme ça, la pchache, ou pas qu'on est. Il y a une belle type. Ton belle petite fille, son ouais petite la belle, petite la soie, belle petite. Mais c'est où la petite, c'est notre travail, ils sont dit, ils ont travaillé. Les belles pour les petits, je vais la voir, on va voir. Tu veux redoubler, t'as dit papa. Papa, comment? Ici dans New York, pas qu'un bon. Papa, mettez tes doigts, papa, fais pour elle pas attendre. Papa bien mauvais, papa ramasse cartel même là. Dis je dis papa, ça va m'a parler, oui papa. Ici dans New York, pas importe. Aïe aïe aïe, papa réfléchit sur bagay là. Papa dit, mais comment? Ça passe petit à petit là, tu vas poser telle question. Oh oui, si ici dans New York, pas importe. Comment ça passe là, ça passe là? Pour qui ça pose une question ça? C'est que notre bagage de fait pas bon ou comment? Il a fait notre bagage qui pas bon ou comment? Papa arrive là, Kaili. Alors, tu j'ai un grand frère là. Mais grand frère là, continue à la bouillie. Comment c'est pas mon qui caliente? Ou comment non? C'est mon qui sous maïto. Papa dit, mais il y a ma macha qui dit Jojo. Dis, je pose une question. Question drôle. C'est vrai que son drôle, m'a expliqué de bagaille ça. Oh! Papa est à réfléchir toujours. Papa calcule la soupe et puis la calcule. Il est bon, il est dans l'air, la plaque dans l'air, la plaque en bas. Il est sous cette étonnante pour qu'il arrive à poser une telle question pareille. La pande, c'est pas lui-même qui doit faire quelque bagaille qui passe ça. À la fin, papa dit non! Bon. Qu'on raison que fait toujours je pose une question ça. Qu'on raison, hein? Nous raison. L'aide en pension en Haïti, c'est bonne qui te occupe, qui te servir. C'est ça que fait là, il veut poser une question ça. Même si on l'autre bagaille d'être dit, on l'autre bagaille d'être dit. parade rete. Sa m'ta pensé là. Sa m'ta pensé là. Eh ben, oui, oui, petit point. Ici dans New York, gen bon. Gen bon. Pas moi qui belle, bon. Maintenant, nous l'avons petit point. Yo paye cher pour Tibon, oui. Ah, ah bon bon. Mon dernier bagaille, ben ouais. Même moi, mon dernier bagaille. Ma présoute, petit Joe, pas d'abord. Mais dis, la question. C'est ça fait l'autre jour. Mettez-vous dormi en bas dans le premier floor. Ouvre le moyen, ou les monter. Voilà le sixième floor. Voilà le sixième floor. Voilà le congé qui a été bon. Intelligent, intelligent. Monsieur sans quoi te sauver, moi vite réveillé. Monsieur sans quoi te sauver. Moi vin réveillé, monsieur sans quoi te sauver. Moi vin réveillé, monsieur sans quoi te sauver. Moi vin réveillé.